Sí. C'est la musique de Blondie. Qui chante. Attends, quand j'étais en train de jouer il y a 2 secondes, ils étaient en train de m'entendre. Merde! Oh le con. Oh, depuis tout à l'heure, je suis sur le truc de diable. C'est toi qui es resté? Et personne n'y croit. C'était 6h, 7h. Thank you. Thank you. Thank you.